bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espèce? Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Du nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Du nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Même la terre part à la renverse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Est-ce que toi aussi ça te bouleverse? Ces quelques cendres que l'on disperse, est-ce qu'aujourd'hui au moins quelqu'un te berce? Pardon, spé, et t'es wabet. Pardon, spay, et t'es wabet. Pardon, spay, et t'es wabet. Pardon, spay, et t'es wabet. A block your wonk in a scavet. Ha la la la lello, ya la la la lello, ya la la la lom, la la la lo. Ya la la la lello, ya la la la lello, ya la la la lom, la la la lo. Vas à part bras, c'est une escousquette. Vas à part bras, c'est une escousquette. Vas à part bras, c'est une escousquette. Vas à part bras, c'est une escousquette. Un verre de bras, c'est une spaquette. La la la la lello, ya la la la lello, ya la la la lom, la la lo. Ya la la la lello, ya la la la lello, ya la la la lom, la la la lo. Un hôpital en des cassettes. Un hôpital en des cassettes. Un hôpital en des cassettes. Un hôpital en des cassettes. L'âme d'or va s'en délaquette. La la la la lello, ya la la la lello, ya la la la lom, la la la lo. Ya la la la lello, ya la la la lello, ya la la la lom, la la la lo. Agué los bras, obé trojet. Agué los bras, obé trojet. Agué los bras, obé trojet. Agué los bras, obé trojet. Reaprenez, obé cassette. Són cançons que a mi m'encanten, com aquesta noia ens porta la seva música i com ens la condueix. No serà la darrera, ja us ho prometo, a vegada que l'escoltarem perquè encara ens queden. De fet, aquestes cançons nosaltres les hem extret des del 2011 amb l'edició de Lux, d'aquest disc dedicat a la Bretanya, el seu país de naixement, i que ens portava després d'una sèrie de temes extres que sortien cantats en anglès. Conegudíssims, alguns d'ells que ens havien portat a temes fabulosos, però ens hem concentrat, òbviament, amb els temes originals del disc que havia sortit un any abans, el 2010, a càrrec de Noël Leroy, i que ens havia portat cançons com aquesta que acabem d'escoltar amb aquest ritme tan interessant, aquesta suite Sudharmonikaine, crec recordar. Doncs tenim un dels nostres oients que de tant en tant ens passa i ens recorda música. Jo només tenia una cançó d'aquest artista que escoltarem ara mateix, i és la que ell ens recomana i ens diu que feia temps que no l'escoltava. Una cançó que es diu Le Monde Gris, Le Monde Bleu, i que ara mateix nosaltres recordarem amb la veu d'Eric Chardin. L'escoltem també a través del nostre programa a Olala Music. Être heureux. tendresse perce mes yeux. Mon cœur est gris, mon cœur est bleu. L'amour me quitte peu à aquest tema va ser un dels escollits com a millors cançons d'Eric Chardin, aquest artista que ens acompanyava. Va sortir el 1967 i era el seu tercer treball en discogràfic, una cançó que després la internacionalitzaria molt perquè la va cantar en italià, en castellà i en alemany, i també doncs va ser considerat com un dels millors temes. Alan Bonte la va escriure, aquesta cançó. Gràcies amb el nostre oient que avui doncs ens han fet arribar aquesta cançó, a Marcos. Gràcies, Marcos, per participar en el nostre espai, recordant-nos aquesta música d'en Jacques-André Pouzon, que en el nord artístic va ser el d'Eric Chardin, aquest artista nascut el 1942 a Haiphong, a la Indochina francesa, actual Vietnam, i que va morir el 29 d'abril del 2012 a l'Hospital de Sant Louis, a París, un autor, compositor, cantant francès molt conegut també en la seva època, que es va fer famós amb Annie Gautreau, l'Stone s'anomenava, amb el qual va formar Stone et Chardin, el duo del qual, per exemple, una de les seves cançons més conegudes és aquesta, L'Aventura. Chaque nuit. Genial recordar-lo, amb la seva música i les seves cançons no són els únics temes que ens en va portar. Cal ressaltar que varen rebre, conjuntament amb aquesta intèrpret que us comentàvem, la Annie Gautreau, varen rebre la Legió d'Honor francesa. Penso que és el títol més important que es dona a França l'1 de gener del 2012, poc abans de morir. Recordem, doncs, us ho dèiem, no sé si us ho he dit o no, però el seu pare era francès, la seva mare era tibetana. Va tenir un àlbum, si no recordo malament, ara no recordo el títol, però que va dedicar de manera sencera a la seva mare. Va ser un dels seus àlbums que li va dedicar. Indochina 42, crec que es deia aquell disco com homenatge a la seva mare. L'hem recordat gràcies amb el nostre col·laborador, en Marcos, i perdona que et digui col·laborador, però col·labores amb l'Espai, enviant-nos aquestes i moltes d'altres suggerències que anirem escoltant amb els propers programes. Una altra de les cançons que vull recordar de l'Eric és aquest Pense-moi. Quand tu sors avec lui, pense-moi. Quand il t'embrasse tendrement, pense-moi. Dans tous ces rêves que tu n'avoues pas, il pense à moi. Je t'aime, ça me fait du mal, mais pense à moi quand même. Y a rien de plus beau que les sentiments secrets dans ces moments-là. Pense à moi, y a rien de plus beau qu'un désespoir secret dans ces moments-là. Ça me fait du mal, mais pense à moi quand même. Y a rien de plus beau que les sentiments secrets dans ces moments-là. Je pense à toi. Esteu escoltant Ulala Music. Therese Montcalm, de nom veritable, Therese Montcalm, Therese amb Z, és com es fa dir, Teresa, és com porta el seu nom. Una cantant, autora i compositora quebequesa, nascuda al 63, que ens porta el seu àlbum de jazz, cantat en francès, del 2002. Piesta, c'est le massacre, il faut que je me déniaise. Je fais un retour à moi-même, ça donne à réfléchir, trop refouler ma colère. J'éliminais mes désirs, j'éliminais mes désirs. La construction de ton esprit me met au désespoir. De la honte au regret, les coutures ont craqué. Ne me reparle plus, ce qui fut mon passé. Cours contre le courant, le diable est à mes trousses. Pour que je visite l'enfer, que tu fabules des arguments peu convaincants, tes résultats sont ridicules. Un qui perd un jour gagne, le cœur bien accroché. J'attrape la sottise, puis je l'envoie se faire promener. Puis je l'envoie se faire promener. Canta i toca la guitarra acústica, jazz, pop, rock, tot això ho inclou, des de molt joveneta, també el doble baix l'ha portat. Una cantant de jazz amb una actitud com rockera, això és com es coneix, o es diu ella mateixa, s'escriu ella mateixa. El seu primer àlbum, Risk, va ser realitzat el 1994, Pal Passifolk va ser el segon, realitzat el 97, i després, a poc a poc han arribat amb més àlbums. Aquest és el tercer que portava el seu mateix nom, aquest de Therese Montcalm, del qual escoltarem aquesta i alguna peça més. Existence. Comme un trésor dans les ténèbres inconnues que l'on rêve. En silence, pour ne pas être déçu, le désir secret de t'aimer est ma réalité profonde. En sachant mes terres, mes pensées. tranquille quand de jour en jour l'espoir de te voir devient un cauchemar. Réalité viscérale, réveil brutal. Tu ignores totalement mon existence. Où que j'aille, quoi que je dise, dans tout ce que je fais, il y a une pensée pour toi qui m'influence et me suit pas à pas. Est-ce que tu m'entends si je communique par l'âme au soleil levant? Les rayons te proclament, est-ce que tu m'entends? Si je t'appelle au secours, je t'en prie, réponds à mon amour. De te voir devient un cauchemar. Réalité viscérale, réveil brutal. Est-ce que tu m'entends? Au soleil levant. Est-ce que tu m'entends? Muriel, Sophia, Lana. Oh, je t'en prie, réponds à mon amour. Quand de jour en jour l'espoir de te voir devient un cauchemar. Réalité viscérale, réveil brutal. Comment invisible en attendant. Inventer les dessous d'une intrigue, c'est excitant, oui. Qu'arrive-t-il quand de jour en jour l'espoir de te voir devient un cauchemar. Réalité viscérale, réveil brutal. Est-ce que tu m'entends? Oh, je l'ai dans fa fa yé le de la fin. Plus fin, plus fin. So fa fa yé la yé. So fa fa yé la yé. Je te dans fa yé. Où yé de la cour. Dormir pour mieux s'éveiller. Dans le calme de ta profondeur, je vais te rejoindre. Et là, capturé inconsciente, je dors sans remords. Hypnotisé dans l'ombre, perdu dans le temps, où les minutes semblent s'arrêter. Au creux du lit, moi je suis clouée. Dormir pour mieux s'éveiller. Voyant mes rêves, j'effleure ma destinée. À mourir un peu à tes côtés, voilà pourquoi je trouve les nuits trop braves. Où est passée ma conscience? On a dormi à point fermé. Au fond, c'est beaucoup d'heures volées que l'on ne peut plus rattraper. Où est passée ma conscience? On a dormi à point fermé. Au fond, c'est beaucoup d'heures volées que l'on ne peut plus rattraper. Au lieu de y a rien vous est pas, on sait un. Rien dans vous est dans l'âme. Rien pour faire d'ailleurs l'âme. Rien pour faire ma vie entrée en piste et quand je vous vois derrière les spots, je sais que la soirée sera hot, la scène c'est mon trottoir, ma grande avenue c'est mon boulevard, mon coin perdu, ma piste de course, ma plage de sable, ma voie lactée où je suis l'étoile, c'est mon arène, ma patinoire, mon île déserte et mon miroir, mon bout de planète si dérisoire. Parfois, j'arrive à y sur le micro, chuchote le silence et les cris. Quand j'accroche mes rêves au tempo, quand je devine dans la pénombre vos yeux qui m'écoutent délirer, je voudrais avoir les doigts de l'ombre pour vous regarder fredonner. J'y fais du rock, j'y fais du jazz, j'y ai laissé des illusions, de note en note, de phrase en phrase. Je laisse évader mes passions. Jardin, ma sortie de secours, ma chambre ouverte sur les grands fonds, mon bateau ivre de trop d'amour, la scène où je suis à l'heure au rendez-vous pour vous chanter mes histoires avec le band et ma guitare, la scène où j'ai envie de vous. Així hem escoltat a Teresa Montcalm les quatre cançons que us hem volgut portar a terme des d'aquest espai amb el seu tercer àlbum d'aquesta cantant quebequesa. L'Àngel Rodríguez, el nostre col·laborador, avui ens recorda una cançó de François Valéry. Què tal, Rafael? Com estàs? Avui tenim un dels grans chansonniers, amb François Valéry, que al llarg de la seva vida ha compost peces també per altres artistes, com Dalida o Hervé Villar. Ha fet també bandes sonores per a sèries i pel·lícules. Avui recordem una de les peces d'aquest cantant nascut l'any 1954. La va compondre juntament amb Pierre Delano. Le cœur Jacquebox va sortir al mercat a principis dels 80. Should we do? Dans mon cœur jukebox, y a des chansons qui me font rêver. Dans mon cœur jukebox, des mélodies sur lesquelles j'ai dansé. C'est l'histoire d'un homme, toujours enfant, qui me ressemble. Dans mon cœur jukebox, y a qu'à demander pour que ça chante. Dans mon cœur jukebox, j'entends encore ma première boum quand trois garçons chantaient sur Einstein. Y'a mon quartier, y'a mes copains. Place de la mairie, nos petites conneries, on s'en souvient. Y'a des tubes intox qui n'ont duré qu'un seul été, et puis y'a toutes mes fiancées sont esteu escoltant Oh La Music amb Raphaël Corbí. Dans tous ces naufrages, notre histoire en âge n'est plus celle que l'on imagine. Le vol dessine comme on n'a pas gommé les nuages passés, des orages qui s'enracinent. Ouais, le vol dessine. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes. Comme à l'ancienne adresse, l'inconnu tendresse manquait tant à notre estime, on suit le vol des signes. Enlever les gants pour embrasser d'autres cimes. Suis le vol des cimes. Toucher le littoral, émouvant le sable sur les plages d'une vie divine. Le vol des cimes. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines. On dit nos veines. On dessine d'autres lignes, on suit le vent d'ici. Ah, mon enfant, comment te compter? Notre monde est si désolé. Nous vivons loin de nos idées, les yeux détachés. Nous rêvons d'acheter le jour. Nous pensons être un peu trop court. Qu'à nos mains ne portent plus rien qu'à quelques chagrins. Entends-tu cet écho qui redonne espoir? Qu'il faut être le monde que l'on voudrait voir. Que ça n'est jamais trop d'aimer le présent. Que la vie se délie en un rien de temps. Que l'amour nous construit un futur aimant. Qu'il y a en ces mots le pouvoir des gens. Ah, le pouvoir des gens. Ah, chaque geste accompagne un choix. Chaque choix fait un peu la vie. Chaque vie est comme un exploit dans cet infini. Chaque regard est un éclairage sur un chemin, un ciel en commun. Mon enfant, quand j'avais ton âge, nous étions éteints. Entends-tu cet écho qui redonne espoir? Qu'il faut être le monde que l'on voudrait voir. Que ça n'est jamais trop d'aimer le présent. Que la vie se délie en un rien de temps. Que l'amour nous construit un futur aimant. Qu'il y a en ces mots le pouvoir des gens. Ah, le pouvoir. Arribant des gens. Al final del nostre programa per aquesta setmana, aquí escoltem doncs amb un artista que presenta la seva música amb simplicitat, amb evidència, amb plaer, amb generositat, diria. És un cantant conegut amb el nom de Laurent Lamarck, que va publicar el seu primer àlbum el 2013. De fet, s'escriu la marca, no sé si exactament és així, però mai l'escoltem també en aquests darrers minuts del nostre espai. Ma mère et mon père rêvaient d'un monde meilleur entre amis qui m'ensoleillait. Les seves cançons són fabuloses i són molt interessants. Aquest és el seu senzill, el tema que escoltàvem en primer terme, el vol dels signes, el vol dels signes, amb cançons com, per exemple, aquesta, que també escoltem com un anar, que porta el títol doncs, del seu nou àlbum, d'aquest disc publicat el 2018 i que avui també us volem portar amb tots els nostres oients, amb diferents cançons, de Pofit, de Gian, que hem escoltat abans, el duet, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. És el moment de deixar ja el programa d'aquesta setmana del nostre espai de la Music amb diferents cançons, com per exemple una que porta el nom de Jeanette Orpus a càrrec d'en Logan, que ens acompanyava al final del programa d'avui. Tres Montcalm, amb la música de Lorraine Lamarck, de Nolwenn Leroy, també de Leigh Chardin, hem acabat el nostre programa. Fins aleshores, fins a la propera, gràcies per haver-nos escoltat. blanche. Le temps s'arrête. J'attends un jour. J'attends un signe. J'attends toujours. Je faisais la cour. Je tendais les bras. La nuit, le jour. Tout ça s'en va. Et tu. Et je ne dors plus. J'attends. Un jour il pleut. Un jour il tonne. J'avais des bleus. J'en avais des bonnes. Par où le soleil passera-t-il. Je fais un vœu. Je perds un signe. Et tu. Et je ne dors plus. S'arrête. J'attends un jour. J'attends un signe. J'attends toujours. Ils font la cour. Ils tendent les bras. La nuit, le jour. Tout ça sans moi. Et tu.